Après, la liberté ou l'amour de Death Note, Tadier évoque Nadja d'André Breton. Alors, il y a une première citation qui m'a marquée. Ça concerne la trace que permet le récit. Donc, le récit comme permettant la conservation, en quelque sorte, de l'amour. Donc je cite cette phrase. André, André, tu écriras un roman sur moi. Plus loin, prends garde, tout s'affaiblit, tout disparaît. De nous, il faut que quelque chose reste. Ce récit semble intéresser au premier chef ma recherche. Il y a dans ce livre des phrases que j'ai encadrées, car elle touche vraiment au cœur de ce qui m'intéresse. Donc il y a d'abord la thèse de l'auteur, à savoir que les personnages recueillent et sont constitués par les signes évocateurs d'un au-delà immanent. C'est cette expression d'au-delà immanent, depuis que je l'ai trouvée dans ce livre. Je ne cesse de la commenter et de l'utiliser, car elle rappelle bien évidemment l'expression de transcendance horizontale à laquelle je m'intéresse dans mon mémoire. Alors, pour illustrer cette thèse, à savoir que les personnages sont constitués par les signes évocateurs d'un au-delà immanent, c'est la suivante, qui intervient dans le récit après l'internement de Nadja, que je vais lire aujourd'hui d'ailleurs. Qui vive? Est-ce vous, Nadja? Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, tout l'au-delà soit dans cette vie? Je ne vous entends pas. Qui vive? Est-ce moi seule? Est-ce moi-même? Donc bien évidemment, en fait la phrase que j'ai encadrée, c'est celle-ci. Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, soit dans cette vie. Idée passionnante. Plus loin, page 32, Tadier remarque que Nadja est, comme le lys dans la vallée de Balzac, constituée d'une lettre ouverte adressée à une femme au sujet d'une autre femme. Et on retrouve ce tutoiement, cette dédicace de tout le récit à une femme aimée dans L'amour fou et Arcane 17 du même Breton. Tadier remarque donc que le récit de Breton est un grand duo entre deux êtres qui aimantent l'amour. On pourrait l'observer en faisant une étude des pronoms personnels, en classant les occurrences du tu et du je. Autre trait caractéristique de ce récit, c'est qu'il, je cite, charrie dans le même courant l'essai et le récit, l'idéologie, l'autobiographie et la poésie qui se déploient autour du centre unique que forme la femme. Voilà ce que j'ai retenu des passages sur Nadja d'André Breton. Mais aujourd'hui, je rajouterai une idée, car si Tadier a abordé la question d'André Breton, c'est qu'il voulait avant tout souligner son hostilité à l'égard du roman. Hostilité qui apparaît dans le premier manifeste. Premier manifeste du surréalisme, dans lequel on voit que chez Breton, le récit à la première personne réagit contre, je cite ce manifeste, tous les empiriques du roman qui prétendent mettre en scène des personnages distincts d'eux-mêmes et les campent physiquement, moralement, à leur manière. Voilà ce contre quoi ce contre quoi s'oppose André Breton. Néanmoins, ce renoncement à la fabulation, au déguisement, au jeu devenant il, ne correspond pas à une autobiographie psychologique telle que celle de Gide, Si le grain ne meurt. Pour illustrer ce propos, je relèverai cette dernière citation issue de Nadja. Je n'ai dessein de relater, en marge du récit qu'il me reste à entreprendre, que les épisodes les plus marquants de ma vie, tels que je peux la concevoir en dehors de son plan organique, et dans la mesure même où elle est livrée au hasard. Dans ce récit d'André Breton, le récit, enfin la fiction, est empruntée à la biographie, mais dépourvue de tous les moments nuls dont Breton veut, que Breton veut éviter. C'est pourquoi donc après Breton, Taddy évoque Gracq, qui, selon lui, avec le rivage des Sirtes, donne au héros surréaliste toute sa dimension fictive. Car chez Gracq, la puissance de l'autobiographie est, dit-il, récupérée par la fiction. Une fiction dans laquelle il s'agit de faire abstraction des moments nuls de la vie et de se débarrasser du réalisme. Donc, dans ces lignes, dans les lignes qui suivent, Taddy analyse un certain nombre de personnages de Gracq, tant d'Au château d'Argol que d'Un balcon en forêt. Mais il s'attarde particulièrement sur la presqu'île et il nous offre l'affirmation suivante. Peu de textes font voir aussi clairement ce que sont devenus les personnages dans le récit poétique. Porteurs d'un éblouissement, chargés d'un pouvoir magique, les héros dominateurs entraînent sur un chemin inconnu les héros dominés. Fort de cette analyse, Taddy aborde ensuite la figure de Pierre Mondiargue, Pierre de Mondiargue, qui retrouve la tradition surréaliste du personnage témoin. Ce Mondiargue cherche de manière constante à créer un effet d'irréel en affirmant que ces personnages sont des êtres de papier. Donc, par exemple, dans Marbre, il dit j'ai dit de mon témoin qu'il n'avait aucune réalité. Donc après Mondiargue, Taddy évoque Bataille et formule la problématique à laquelle il s'agit de répondre. Notre tâche ici est particulièrement difficile. Comment, dans des textes où le contenu, l'histoire, la métaphysique même occupent une place si importante, où l'aspect violemment indécent des scènes représentées risque de masquer leur caractère littéraire, où l'érotisme pourrait, pensera-t-on, frapper le lecteur au plus bas, comment étudier encore la technique du récit? Donc, Taddy commence par faire allusion à l'avant-propos du ciel que j'ai tant apprécié la semaine dernière. Donc, cet avant-propos renvoie à l'expérience de l'auteur, mais cette expérience n'est peut-être qu'une expérience de langage. Ce que dit Bataille ici, c'est que la fonction du récit serait de révéler les possibilités excessives de la vie. Alors les développements sur Bataille se terminent par une conclusion très intéressante que je vais citer en intégralité. Donc c'est une conclusion qui marque en fait la spécificité de l'écriture littéraire face à l'écriture scientifique concernant la sexualité. Donc je cite: Il est inutile de se demander ce qu'un manuel de pathologie sexuelle Proust aussi avait lu Havelock Ellis et Krafft Ebing, enlève à ses récits la somptuosité du style, par instant seulement fugitif comme l'orgasme si souvent évoqué, suffit à témoigner qu'il s'agit d'une autre langue que celle des manuels. C'est parce qu'ils sont littéraires, on déplaise à quelques-uns, que l'histoire de l'œil, le mort, le bleu du ciel, nous enferme sans jamais permettre le détachement de l'objectivité médicale dans le piège d'un récit qui ne renvoie qu'à sa propre structure, selon les lois de la fonction poétique. Pour les personnages de Cocteau, ceux du Grand Écart, de Thomas l'Imposteur ou des Enfants Terribles, il en est de même. Il est difficile de les séparer du récit où ils sont pris. C'est la vitesse du récit qui les meut et les fait décoller de la prose réaliste ou psychologique. Et c'est peut-être dans les romans de poètes, c'est-à-dire d'écrivains qui ont publié des vers, que le caractère référentiel des personnages disparaît davantage pour laisser place à leur intégration dans la structure verbale. Il en est ainsi de Queneau, qui, dans un article intitulé « Technique du roman », réclame pour la prose une technique aussi rigoureuse que celle de la poésie, car le sens du récit dépend de la répartition des personnages. Et on pourrait dire... Non, avant de passer au paragraphe suivant, je vais vraiment développer cette idée qui me paraît intéressante. Parce qu'on retrouve les parallélismes de Jacobson. Dans cet article, Queneau dit « Deux personnages ou deux groupes, distincts mais cependant autonomes, peuvent exprimer une même réalité, une même tendance, un même type, d'où les chapitres en écho ou en miroir. » Et donc ces parallélismes, ces chapitres en écho ou en miroir, relèvent exactement de la fonction poétique selon Jacobson que Tadier avait exposé en introduction. Donc, pour ainsi dire, les personnages riment comme les mots. Ils sont là pour la rime, non pour la psychologie ou pour produire un effet de réel. Et on pourrait dire cela également des héros énigmatiques de Pierre-Jean Jouvet. Cela se passe comme si ces personnages n'existaient pas. Ce sont des personnages spectateurs, des personnages statues, qui sont guettés par le néant. Voilà, pour ce qui est des exemples donnés dans ce chapitre sur les personnages. Bon, je laisse de côté la conclusion théorique, car visiblement, je n'ai pas mis de signe me permettant de repérer les passages les plus importants pour moi. Donc en fait, l'expérience que je viens de faire me renseigne sur la difficulté de reprendre une lecture après plusieurs dizaines de jours. Donc je pense avoir pris des notes un peu décousues. Mais c'est justement les conséquences de ce que je viens de faire, de la mise en place de ma nouvelle méthode.